Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 2. Des trois sortes d'inconvénients auxquels s'expose l'âme, en ne fermant pas les yeux, aux connaissances, et au travail de la mémoire. L'homme spirituel est exposé à trois sortes de dangers et d'inconvénients, s'il veut user des connaissances de la mémoire pour s'approcher de Dieu, ou pour mieux accomplir ses devoirs. Deux de ces inconvénients sont positifs et le troisième est privatif. Le premier résulte du contact avec les choses de ce monde, le second vient du démon, enfin le dernier, qu'on appelle privatif, n'est autre que le trouble et l'obstacle apporté à l'union divine. Le premier dommage amène avec lui une multitude de dangers divers, occasionnés par les connaissances et les raisonnements de la mémoire. Ce sont les erreurs, les imperfections, les convoitises, la perte du temps et mille autres inconvénients, qui font contracter à l'âme d'innombrables souillures, ouvrir la porte à ses idées et à ses discours, c'est évidemment se jeter dans de nombreuses illusions, et s'exposer à prendre bien souvent le vrai pour le faux, le certain pour le douteux, et vice-versa, en effet. Les limites étroites de l'esprit humain ne lui permettent pas de connaître à fond une seule vérité, le préservatif contre tous ces périls est donc d'aveugler la mémoire, à l'endroit de l'exercice naturel de ses connaissances. La mémoire entraîne aussi l'âme à chaque pas dans des imperfections, parce que les objets dont elle reçoit l'empreinte par les sens extérieurs excitent en elle diverses impressions de douleur, de crainte, de vaine espérance, de joie frivole ou de gloire mondaine, ces différents mouvements sont au moins des imperfections, et parfois des péchés véniels manifestes, incompatibles avec la pureté parfaite de l'âme et la simplicité de son union avec Dieu. En troisième lieu, les notions que l'âme puise dans les souvenirs de la mémoire, sont un appât pour la convoitise. Et le seul fait de les entretenir volontairement alimente le foyer des passions. Enfin, l'âme court grand risque de s'égarer dans ses jugements, par rapport au bien et au mal d'autrui. Il est si facile que le bien ait les apparences du mal, et le mal celle du bien. Or, personne, à mon avis, n'évitera ces écueils, à moins de priver et d'aveugler sa mémoire de toutes ses conceptions. Si vous m'objectez que l'homme spirituel pourra triompher de ces obstacles, à mesure qu'ils se présenteront, j'affirme qu'il lui sera absolument impossible de les surmonter. S'il conserve de l'estime pour ses connaissances, il en découle mille imperfections si subtiles et si délicates, que l'âme en est souillée sans s'en apercevoir. Comme la poix souille infailliblement celui qui la touche, le moyen le plus sûr d'obvier à tant d'inconvénients est donc de dépouiller en une seule fois la mémoire des choses sensibles. Mais, direz-vous encore, l'âme se prive ainsi d'une foule de saintes pensées et de pieuses considérations, qui lui seraient d'une très grande utilité pour la disposer à recevoir les faveurs divines. Je réponds à cela, ne rejetez pas ce qui se rapporte purement à Dieu, et peut vous être un secours dans cette connaissance confuse, universelle, pure et simple, mais renoncez aux objets qui captivent l'âme, c'est-à-dire, aux formes, aux images ou aux représentations des choses créées, loin de vous nuire, ce dépouillement vous sera avantageux, car la meilleure disposition pour recevoir la plénitude des dons célestes et précisément la pureté acquise par le détachement de toute affection aux choses du temps, aux créatures, et même aux idées volontaires qui en rappellent le souvenir, Malgré la persévérance de ses efforts, l'âme ne laissera pas, il faut l'avouer, de contracter de fréquentes souillures, à cause des imperfections naturelles qui se rencontrent dans l'exercice des puissances. Pour parvenir à l'état si désirable de l'union, il importe donc, avant tout, de perdre de vue les opérations de la nature, de réduire ses facultés au silence, et de leur apprendre à se taire pour mieux écouter la parole de Dieu, qui se fait entendre à l'âme dans la solitude, selon la parole du prophète, Osée 2, 14. Peut-être ourdirez-vous encore, si vous privez la mémoire de la contemplation assidue des choses de Dieu, l'âme n'acquérera aucun bien spirituel. Elle tombera infailliblement dans la tiédeur et sera assaillie par d'incessantes distractions. Je réponds, si la mémoire rejette tout à la fois les choses spirituelles et temporelles, il est impossible qu'elle soit sujette aux distractions, aux égarements d'esprit et à toutes les autres misères humaines, puisque, dans cet état, l'âme ne donne plus aucune entrée à toutes ces divagations, mais elle s'exposerait à ce péril, si en fermant la porte aux considérations et à la contemplation des choses d'en haut, elle l'ouvrait aux pensées terrestres. Ici, bien au contraire, nous repoussons toutes les distractions qui pourraient être un obstacle à l'union. La mémoire est condamnée, il est vrai, à un silence et à un mutisme complet, mais elle conserve dans cette solitude l'oreille de l'esprit attentive à la voix du divin maître, ainsi que faisait le prophète, parlez, Seigneur, votre serviteur écoute, 1, Rois, 3, 10. Telle est la disposition que l'époux des cantiques souhaite de trouver dans son épouse, ma sœur est un jardin fermé et une fontaine scellée, Cantiques, 4, 12, c'est-à-dire, rien de créé ne peut y pénétrer. Celui qui, les portes fermées, entra corporellement dans le cénacle, au moment où ses disciples s'y attendaient le moins, et leur donna la paix, celui-là seul fera son entrée dans le sanctuaire intime de l'âme, à son insu et sans sa coopération. Les portes de ses puissances étant bien closes, et absolument fermées à toutes les connaissances naturelles, alors le Seigneur, nous dit le prophète, l'inondera d'un fleuve de paix, Isaïe 48, 18, et dissipera toutes les craintes, les défiances, les troubles et les obscurités, qui lui faisaient craindre de courir à sa perte. Ne vous lassez donc point, ô accent circonflexe âme spirituelle, de prier et d'attendre dans la nudité d'esprit, le vide de toutes choses, votre souverain bien ne tardera pas à venir combler tous vos désirs par sa présence. Chapitre 3. Second dommage qui peut être causé à l'âme, par le démon, au moyen des idées que fournit naturellement la mémoire. Le malin esprit trouve dans les connaissances de la mémoire un moyen d'agir puissamment sur l'âme, c'est là le second dommage positif. Il peut, en effet, faire surgir dans cette faculté des fantômes imaginaires, propres à exciter des mouvements d'orgueil, d'avarice, d'envie, de colère, etc. Il peut suggérer une haine injuste, un amour vain, et tromper l'âme de mille autres manières. Il a en outre pour habitude d'imprimer si fortement les objets dans l'imagination, que le vrai lui semble faux, et le faux lui paraît véritable. En un mot, toutes les illusions et tous les maux engendrés par le démon, entrent dans l'âme par la porte des connaissances et des formes saisies par la mémoire. Si donc cette faculté les ensevelit et les anéantit dans un complet oubli, elle échappe au piège de l'ennemi et se délivre de tous ses dangers. Or, n'est-ce pas là un immense avantage? Le démon ne peut rien faire que par l'entremise des opérations des puissances, et principalement avec l'auxiliaire des formes et des images, d'où dépendent aussi presque tous les actes de l'intelligence et de la volonté. Si la mémoire annule son activité naturelle, l'esprit de mensonge, n'ayant plus d'accès dans l'âme, ne peut absolument rien. Auquel n'est pas mon désir de voir les personnes spirituelles reconnaître enfin les terribles ravages que le démon fait dans les âmes qui sont trop affectionnées aux connaissances de la mémoire, que d'affliction, de tristesse et de vaine joie il mêle à leur rapport avec Dieu ou avec le monde, de combien de souillures il entache leur esprit, en les détournant de ce recueillement qui consiste à séparer l'âme de toutes les choses créées, et à l'établir avec ses puissances dans le bien suprême, quand même on ne retirerait pas de cet entier abandon, un avantage aussi immense que celui de fixer l'âme en Dieu, la délivrance d'une multitude de peines, d'afflictions, de tristesses, et de nombreuses imperfections, ne serait-elle pas déjà un profit inappréciable? Chapitre 4. Du troisième dommage que les impressions particulières distinctes et naturelles causent à l'âme. Les connaissances naturelles de la mémoire causent encore à l'âme un troisième dommage, il est privatif, et consiste à entraver le bien moral et empêcher le bien spirituel. Pour comprendre tout d'abord comment ces connaissances font obstacle à la tranquillité, à la paix et au repos, qui sont une des conditions du bien moral, il faut remarquer que ce bien résulte de la répression des appétits désordonnés et des désirs mauvais, mais ce frein modérateur servira peu à l'âme, si elle ne détourne, et ne fait même tarir, la source d'où jaillissent ses passions. En effet, le trouble naît toujours des impressions qui viennent de la mémoire, or si ces impressions sont ensevelies dans l'oubli, rien ne peut troubler la paix, ni mouvoir les désirs déréglés. L'adage populaire est assez connu. Le cœur ne désire point ce que l'œil ne voit pas. Une longue expérience en fait foi, l'âme est plus ou moins émue selon l'idée qu'elle conçoit des objets. Si l'objet est pénible et fâcheux, soudain elle éprouve de la tristesse ou de la répugnance, au contraire est-il agréable. Elle le désire et se livre à la joie, les différentes alternatives de joie ou de tristesse, de répugnance ou d'amour, engendrent forcément le trouble, à moins donc d'une abnégation universelle à l'égard des connaissances de la mémoire. Il sera impossible à l'âme de persévérer dans la même disposition de recueillement, qui est le fruit de la tranquillité morale. Et il est évident que les objets que sa mémoire lui rappelle, entravent forcément ses progrès dans la vertu. Le trouble de la mémoire prive encore l'âme du bien spirituel, ce que nous avons expliqué à propos du bien moral le prouve clairement. L'âme agitée, qui n'a pas jeté le fondement solide des vertus morales, n'est pas apte à la vie surnaturelle, dont les progrès se basent sur le calme et la paix du cœur, captivé par les connaissances de la mémoire, l'âme ne peut fixer son attention que sur ce seul objet, et il lui devient impossible de conserver sa pensée libre, pour s'occuper de celui qui est au-dessus de toute conception. C'est pourquoi elle devra s'approcher de Dieu plutôt par une sainte ignorance que par une science trop subtile, échangeant ainsi le bien transitoire et intelligible pour le bien immuable et incompréhensible.